Chapitre 3e. Sur un large balcon de bois, assis devant une table, un jeune homme écrivait. Parfois il levait la tête et contemplait d'un regard vague l'horizon des coteaux, où les arbres, dépouillés par l'automne, laissaient tomber leurs dernières feuilles sur les toits rouges des villas et sur les pelouses des jardins. Puis il recommençait à écrire. Au bout d'un moment, il prit sa feuille de papier et lut à haute voix. Nos jours s'en vont à la dérive, comme emporté par un courant, qui les pousse vers une rive, que l'on aborde comme mourant. « Pas mal, » fit une voix derrière lui. « Madame aimable Tastu n'eût pas fait mieux. Enfin, tout le monde ne peut pas être Lamartine. « Vous ? Vous ?» balbutia le jeune homme avec égarement. « Mais oui, poète. Arsène Lupin qui vient voir son cher ami Pierre-le-Duc. » Pierre-le-Duc se mit à trembler, comme grelottant de fièvre. Il dit à voix basse, « L'heure est venue. Oui, mon excellent Pierre-le-Duc, l'heure est venue pour toi de quitter, ou plutôt d'interrompre la molle existence de poète que tu mènes depuis plusieurs mois au pied de Geneviève Vernemont et de Madame Kesselbach, et d'interpréter le rôle que je t'ai réservé dans ma pièce. Une jolie pièce, je t'assure. Un bon petit drame bien charpenté, selon les règles de l'art, avec trémolo, rire et grincement de dents. Nous voici arrivés au 5e acte. Le dénouement approche et c'est toi, Pierre-le-Duc, qui en est le héros. Quelle gloire !» Le jeune homme se leva. « Et si je refuse ? Idiot ! Oui, si je refuse. Après tout, qui m'oblige à me soumettre à votre volonté ? Qui m'oblige à accepter un rôle que je ne connais pas encore, mais qui me répugne d'avance et dont j'ai honte ? Idiot ! » répéta Lupin. Et forçant Pierre-le-Duc à s'asseoir, il prit place auprès de lui et de sa voix la plus douce. « Tu oublies tout à fait, bon jeune homme, que tu ne t'appelles pas Pierre-le-Duc, mais Gérard Beaupré. Si tu portes le nom admirable de Pierre-le-Duc, c'est que toi, Gérard Beaupré, tu as assassiné Pierre-le-Duc et lui as volé sa personnalité. » Le jeune homme sauta d'indignation. « Vous êtes fou. Vous savez bien que c'est vous qui avez tout combiné. Parbleu, oui, je le sais bien. Mais la justice, quand je lui fournirai la preuve que le véritable Pierre-le-Duc est mort de mort violente et que toi, tu as pris sa place. » Atterré, le jeune homme bégaya. « On ne le croira pas. Pourquoi aurais-je fait cela ? Dans quel but ? Idiot ! Le but est si visible que Weber lui-même l'eût aperçu. Tu mens quand tu dis que tu ne veux pas accepter un rôle que tu ignores. Ce rôle, tu le connais. C'est celui qu'eût joué Pierre-le-Duc s'il n'était pas mort. Mais Pierre-le-Duc, pour moi, pour tout le monde, ce n'est encore qu'un nom. Qui était-il ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Je veux savoir. Je veux savoir où je vais. Et si tu le sais, marcheras-tu droit devant toi ? Oui, si ce but dont vous me parlez en vaut la peine. Sans cela, crois-tu que je me donnerais tant de mal ? Qui suis-je ? Quel est mon destin ? Soyez sûr que j'en serai digne. Mais je veux savoir, qui suis-je ? Arsène Lupin ôta son chapeau, s'inclina et dit « Hermann IV, grand-duc de Pont-Veldenz, prince de Bernkastel, électeur de Trèves et seigneur d'autres lieux. » Trois jours plus tard, Lupin emmenait Madame Kesselbach en automobile du côté de la frontière. Le voyage fut silencieux. Lupin se rappelait avec émotion le geste effrayé de Dolorès et les paroles qu'elle avait prononcées dans la maison de la rue des Vignes au moment où il allait la défendre contre les complices d'Altenheim. Et elle devait s'en souvenir aussi car elle restait gênée en sa présence et visiblement troublée. Le soir, ils arrivèrent dans un petit château tout vêtu de feuilles et de fleurs, coiffé d'un énorme chapeau d'ardoise et entouré d'un grand jardin aux arbres séculaires. Ils y trouvèrent Geneviève déjà installée et qui revenait de la ville voisine où elle avait choisi des domestiques du pays. « Voici votre demeure, madame, » dit Lupin. « C'est le château de Bruggen. Vous y attendrez en toute sécurité la fin de ces événements. Demain, Pierre-le-Duc, que j'ai prévenu, sera votre hôte. » Il repartit aussitôt, se dirigea sur Veldenz et remit au comte de Valdemar le paquet des fameuses lettres qu'il avait reconquises. « Vous connaissez mes conditions, mon cher Valdemar, » dit Lupin. « Il s'agit avant tout de relever la maison de deux ponts Veldenz et de rendre le grand-duché au grand-duc Hermann IV. Dès aujourd'hui, je vais commencer les négociations avec le conseil de régence. D'après mes renseignements, ce sera facile. Mais ce grand-duc Hermann... Son Altesse habite actuellement, sous le nom de Pierre-le-Duc, le château de Bruggen. je donnerai sur son identité toutes les preuves qu'il faudra. » Le soir même, Lupin reprenait la route de Paris avec l'intention d'y pousser activement le procès de Malraich et des 7 bandits. Ce que fut cette affaire, la façon dont elle fut conduite et comment elle se déroula, il serait fastidieux d'en parler tellement les faits, et tellement même les plus petits détails, sont présents à la mémoire de tous. C'est un de ces événements sensationnels que les paysans les plus frustes des bourgades les plus lointaines commentent et racontent entre eux. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est la part énorme que prit Arsène Lupin à la poursuite de l'affaire et aux incidents de l'instruction. En fait, l'instruction, ce fut lui qui la dirigea. Dès le début, il se substitua au pouvoir public, ordonnant les perquisitions, indiquant les mesures à prendre, prescrivant les questions à poser aux prévenus, ayant réponse à tout. Qui ne se souvient de l'ahurissement général, chaque matin, quand on lisait dans les journaux ces lettres irrésistibles de logique et d'autorité, ces lettres signées tour à tour Arsène Lupin, juge d'instruction, Arsène Lupin, procureur général, Arsène Lupin, garde des Sceaux, Arsène Lupin, flic. Il apportait à la besogne un entrain, une ardeur, une violence même, qui étonnait de sa part, à lui, si plein d'ironie habituellement, et somme toute, par tempérament, si disposé à une indulgence en quelque sorte professionnelle. Non, cette fois, il haïssait. Il haïssait ce Louis de Malraich, bandit sanguinaire, bête immonde, dont il avait toujours eu peur, et qui, même enfermé, même vaincu, lui donnait encore cette impression d'effroi et de répugnance que l'on éprouve à la vue d'un reptile. En outre, Malraich n'avait-il pas eu l'audace de persécuter Dolorès ? Il a joué, il a perdu, se disait Lupin, sa tête sautera. C'était cela qu'il voulait, pour son affreux ennemi, l'échafaud, le matin blafard où le couperet de la guillotine glisse et tue. Étrange prévenu, celui que le juge d'instruction questionna durant des mois entre les murs de son cabinet. Étrange personnage que cet homme osseux, à figure de squelette, aux yeux morts. Il semblait absent de lui-même, il n'était pas là, mais ailleurs, et si peu soucieux de répondre. « Je m'appelle Léon Massier. » Telle fut l'unique phrase dans laquelle il se renferma, et Lupin ripostait. « Tu mens. Léon Massier, né à Périgueux, orphelin à l'âge de 10 ans, est mort il y a 7 ans. Tu as pris ses papiers, mais tu oublies son acte de décès, le voilà. » Et Lupin envoya au parquet une copie de l'acte. « Je suis Léon Massier, » affirmait de nouveau le prévenu. « Tu mens, » répliquait Lupin. « Tu es Louis de Malraich, le dernier descendant d'un petit noble établi en Allemagne au XVIIIe siècle. Tu avais un frère qui, tour à tour, s'est fait appeler Parbury, Ribera et Altenheim. Ce frère, tu l'as tué. Tu avais une sœur, Isilda de Malraich, cette sœur, tu l'as tuée. Je suis Léon Massier. Tu mens. Tu es Malraich, voilà ton acte de naissance, voici celui de ton frère, celui de ta sœur. » Et les 3 actes, Lupin les envoya. D'ailleurs, sauf en ce qui concernait son identité, Malraich ne se défendait pas, écrasé sans doute sous l'accumulation des preuves que l'on relevait contre lui. Que pouvait-il dire? On possédait 40 billets écrits de sa main, la comparaison des écritures le démontra, écrits de sa main, à la bande de ses complices et qu'il avait négligé de déchirer après les avoir repris. Et tous ces billets étaient des ordres visant l'affaire Kesselbach, l'enlèvement de M. Lenormand et de Gourel, la poursuite du vieux Steinweg, l'établissement des souterrains de Garches, etc. Était-il possible de nier? Une chose assez bizarre déconcerta la justice. Confrontés avec leur chef, les 7 bandits affirmèrent tous qu'ils ne le connaissaient point. Ils ne l'avaient jamais vu. Il recevait ses instructions, soit par téléphone, soit dans l'ombre, au moyen précisément de ces petits billets que Malraich leur transmettait rapidement, sans un mot. Mais, du reste, la communication entre le pavillon de la rue de Lesmans et la remise du brocanteur n'était-elle pas une preuve suffisante de complicité? De là, Malraich voyait et entendait. De là, le chef surveillait ses hommes. Les contradictions, les faits en apparence inconciliables, Lupin expliqua tout. Dans un article célèbre, publié le matin du procès, il prit l'affaire à son début, en révéla les dessous, en débrouilla les chevaux, montra Malraich habitant, à l'insu de tous, la chambre de son frère, le faux major Parbury allant et venant, invisible, par les couloirs du Palace Hôtel, y assassinant Kesselbach, assassinant le garçon d'hôtel, assassinant le secrétaire Chapman. On se rappelle les débats. Ils furent terrifiants à la fois et mornes, terrifiants par l'atmosphère d'angoisse qui pesa sur la foule et par les souvenirs de crimes et de sang qui obsédaient les mémoires, mornes, lourds, obscurs, étouffants, par suite du silence formidable que garda l'accusé. Pas une révolte, pas un mouvement, pas un mot. Figure de cire, qui ne voyait pas et qui n'entendait pas. Vision effrayante de calme et d'impassibilité. Dans la salle, on frissonnait. Les imaginations affolées, plutôt qu'un homme, évoquaient une sorte d'être surnaturel, un génie des légendes orientales, un de ces dieux de l'Inde qui sont le symbole de tout ce qui est féroce, cruel, sanguinaire et destructeur. Quant aux autres bandits, on ne les regardait même pas, comparses insignifiants qui se perdaient dans l'ombre de ce chef démesuré. La déposition la plus émouvante fut celle de Madame Kesselbach. À l'étonnement de tous, et à la surprise même de Lupin, Dolorès, qui n'avait répondu à aucune des convocations du juge et dont on ignorait la retraite, Dolorès apparut, veuve douloureuse, pour apporter un témoignage irrécusable contre l'assassin de son mari. Elle dit simplement, après l'avoir regardé longtemps, « C'est celui-là qui a pénétré dans ma maison de la rue des Vignes. C'est lui qui m'a enlevé, et c'est lui qui m'a enfermé dans la remise du brocanteur. Je le reconnais. Vous l'affirmez. Je le jure devant Dieu et devant les hommes. » Le surlendemain, Louis de Malreich, dit Léon Massier, était condamné à mort, et sa personnalité absorbait tellement, pourrait-on dire, celle de ses complices, que ceux-ci bénéficièrent des circonstances atténuantes. « Louis de Malreich, vous n'avez rien à dire ?» demanda le président des assises. Il ne répondit pas. Une seule question resta obscure aux yeux de Lupin. Pourquoi Malreich avait-il commis tous ces crimes ? Que voulait-il ? Quel était son but ? Lupin ne devait pas tarder à l'apprendre et le jour était proche, où, tout pantelant d'horreur, frappé de désespoir, mortellement atteint, le jour était proche où il allait savoir l'épouvantable vérité. Pour le moment, sans que l'idée néanmoins cessât de l'effleurer, il ne s'occupa plus de l'affaire Malreich. Résolu à faire peau neuve, comme il disait, rassuré d'autre part sur le sort de Madame Kesselbach et de Geneviève, dont il suivait de loin l'existence paisible, et enfin tenu au courant par Jean Doudeville, qu'il avait envoyé à Beldens, tenu au courant de toutes les négociations qui se poursuivaient entre la cour d'Allemagne et la régence de Deux Ponts-Beldens, il employait, lui, tout son temps à liquider le passé et à préparer l'avenir. L'idée de la vie différente qu'il voulait mener sous les yeux de Madame Kesselbach l'agitait d'ambitions nouvelles et de sentiments imprévus, où l'image de Dolorès se trouvait mêlée sans qu'il s'en rendît un compte exact. En quelques semaines, il supprima toutes les preuves qui auraient pu un jour le compromettre, toutes les traces qui auraient pu conduire jusqu'à lui. Il donna à chacun de ses anciens compagnons une somme d'argent suffisante pour les mettre à l'abri du besoin, et il leur dit adieu en leur annonçant qu'il partait pour l'Amérique du Sud. Un matin, après une nuit de réflexion minutieuse et une étude approfondie de la situation, il s'écria « C'est fini. Plus rien à craindre. Le vieux Lupin est mort. Place au jeune. » On lui apporta une dépêche d'Allemagne. C'était le dénouement attendu. Le conseil de régence, fortement influencé par la cour de Berlin, avait soumis la question aux électeurs du Grand-Duché, et les électeurs, fortement influencés par le conseil de régence, avaient affirmé leur attachement inébranlable à la vieille dynastie des Beldens. Le comte Valdemar était chargé, ainsi que trois délégués de la noblesse, de l'armée et de la magistrature, d'aller au château de Bruggen, d'établir rigoureusement l'identité du grand-duc Hermann IV et de prendre avec son Altesse toute disposition relative à son entrée triomphale dans la principauté de ses pairs, entrée qui aurait lieu vers le début du mois suivant. « Cette fois, ça y est, se dit Lupin, le grand projet de M. Kesselbach se réalise. Il ne reste plus qu'à faire avaler mon Pierre-le-Duc au Valdemar. Jeu d'enfant. Demain, les bancs de Geneviève et de Pierre seront publiés. Et c'est la fiancée du grand-duc que l'on présentera à Valdemar. » Et tout heureux, il partit en automobile pour le château de Bruggen. Il chantait dans sa voiture, il sifflait, il interpellait son chauffeur. Octave, sais-tu qui tu as l'honneur de conduire ? Le maître du monde. Oui, mon vieux, ça t'épate, hein ? Parfaitement, c'est la vérité, je suis le maître du monde. Il se frottait les mains et continuant à monologuer. Tout de même, ce fut long. Voilà un an que la lutte a commencé. Il est vrai que c'est la lutte la plus formidable que j'ai soutenue. Nom d'un chien, quelle guerre de géants ! Et il répéta. Mais cette fois, ça y est. Les ennemis sont à l'eau. Plus d'obstacles entre le but et moi. La place est libre. Bâtissons. J'ai les matériaux sous la main. J'ai les ouvriers. Bâtissons, Lupin. Et que le palais soit digne de toi. Il se fit arrêter à quelques centaines de mètres du château pour que son arrivée fût plus discrète, et il dit à Octave « Tu entreras d'ici 20 minutes à 4 heures et tu iras déposer mes valises dans le petit chalet qui est au bout du parc. C'est là que j'habiterai. » Au premier détour du chemin, le château lui apparut à l'extrémité d'une sombre allée de tilleuls. De loin, sur le perron, il aperçut Geneviève qui passait. Son cœur s'émut doucement. « Geneviève, Geneviève, » dit-il avec tendresse. « Geneviève, le vœu que j'ai fait à ta mère mourante se réalise également. Geneviève, grande duchesse, et moi, dans l'ombre, près d'elle, veillant à son bonheur et poursuivant les grandes combinaisons de Lupin. » Il éclata de rire, sauta derrière un groupe d'arbres qui se dressait à gauche de l'allée et fila le long d'épais massifs. De la sorte, il parvenait au château sans qu'on eût pu le surprendre des fenêtres du salon ou des chambres principales. Son désir était de voir Dolorès avant qu'elle ne le vît, et comme il avait fait pour Geneviève, il prononça son nom plusieurs fois, mais avec une émotion qui l'étonnait lui-même. « Dolorès, Dolorès !» Furtivement, il suivit les couloirs et gagna la salle à manger. De cette pièce, par une glace en tain, il pouvait apercevoir la moitié du salon. Il s'approcha. Dolorès était allongée sur une chaise longue, et Pierre-le-Duc, à genoux devant elle, la regardait d'un air extasié.